Chapitre 7e. Souvenir de l'île Paroroa. Comment Alexis Cardy avait-il tué Jacques Ternier? Ce problème assaillait Paul Bar. Il en cherchait la solution en méditant dans l'allée du château. Ses yeux se portaient sur un masque polynésien qui dominait le fronton intérieur de la grande porte. Il en avait remarqué déjà la photographie dans un album de vue de l'archipel. Cet album était dans la bibliothèque. Il attendait la nuit pour le revoir pendant le sommeil d'Alexis Cardy. Sous la photographie de la statue du dieu barbare, il lut « Batmosu, divinité de l'île Paroroa, Polynésie ». Puis les armes de la même île, notamment une arbalète perfectionnée à glissière. À côté, l'image d'un poignard avec cette notice « Flèche poignard de l'île Paroroa ». L'inspecteur eut un coup au cœur. Le poignard flèche, quelle révélation! Lancé par un arc, par une puissante arbalète. Mais cette arbalète, il l'avait vue elle-même, dans la pénombre du corridor, accrochée dans le désordre des panoplies exotiques du château. Il courut, l'arme était là, avec sa glissière. À côté, sur l'étoffe qui faisait le fond de la panoplie, trois empreintes restaient, comme il en est sur les murs, dont la tenture a gardé sa couleur sous un tableau. Les trois traces conservaient l'empreinte de trois poignards semblables à celui qui avait tué Jacques Ternier, et aussi à celui qui avait été trouvé chez Henri Brémond. Au bas de la panoplie, cette étiquette « Souvenir de l'île Paroroa ». Ah, pensa Paul Bar, comme j'avais raison de vouloir cette reconstitution. C'était simple. Puisque la main qui avait donné le coup de poignard n'était pas près de la victime, c'est qu'elle en était loin. Vérité de monsieur de la Palice, parbleu! J'avais bien vu, par la position de l'arme et par celle du corps, que l'arme était venue du château. Mais comment? Ah, je ne suis peut-être pas aussi fort qu'on le pense. Par une arbalète, par une flèche. Il revint aux photographies dont il feuilleta l'album. L'une d'elles représentait Alexis Cardy en Polynésie, plus jeune, autant qu'il avait la barbe noire, en tenue de chasseur, équipé comme les indigènes du pays, portant la grande arbalète à l'épaule et à la ceinture, les flèches poignards. Une autre vue montrait une sorte de fête où il était célébré par les indigènes comme un triomphateur. On voyait à ses pieds un monceau de cadavres de bêtes sauvages. La légende écrite de la main d'Alexis Cardy portait « Fête de la chasse, honneur rendu au vainqueur de la journée ». Ainsi Alexis Cardy avait été le meilleur tireur à l'arbalète de l'île Paroroa, le meilleur tireur de poignard-flèche. Sans hâte, Paul Bar regagna sa chambre. Il y fit une toilette soignée. Puis il alla frapper à la porte de la chambre de Denise. « Mademoiselle, lui jeta-t-il en entrant, vous aimez Henri Brémond ?» La jeune fille le regardait interdite. « Vous ne me reconnaissez pas, je suis le jardinier, c'est-à-dire l'inspecteur de police Paul Bar. C'est vous qui lui avez donné le poignard, mais il n'est pas coupable, vous le savez, n'est-ce pas ?» La jeune fille regardait l'inspecteur avec une sorte d'épouvante. « Oui, je lui avais fait cadeau de cet objet trouvé par moi dans la bibliothèque. Pouvais-je prévoir ?»« Non, Henri n'est pas coupable, je le sais bien. »« Et moi, je sais pourquoi vous avez repris votre parole donnée à votre fiancé. » Alors Denise fondit en larmes. Elle disait sa douleur, combien elle avait souffert lorsque son oncle avait chassé Henri Brémond quand il était venu lui demander la main de sa nièce. Paul Bar comprenait qu'Alexis Cardy, oncle par un jeu compliqué d'alliance de la jeune fille, était aussi son tuteur, et qu'il ne voulait pas perdre le bénéfice de la jouissance du patrimoine de Denise, patrimoine dont il avait l'administration. Il lui fallut rendre des comptes à Denise mariée. Elle avouait les innocentes entrevues secrètes qu'elle avait avec l'ingénieur dans la forêt, dans le parc et même dans sa chambre. Voilà pourquoi le jeune homme ne voulait pas révéler sa présence, faisait semblant, pour motiver sa présence à Maigrigny, d'y rechercher la compagnie de Jacques Ternier. Et voilà aussi pourquoi il ne voulait pas avouer la provenance du poignard. Il ne voulait pas compromettre Denise. Si j'avais su qu'il était à cause de cela arrêté, emprisonné, j'aurais tout dit. Et maintenant il croit que je ne l'aime plus. C'est affreux. Cependant je ne peux pas. Je ne peux plus être sa femme. Je comprends. Le coupable, vous le connaissez. Vous avez deviné. Oui, d'abord, je ne voulais pas croire, et puis, quand il m'a dit qu'à cause de cette arme, on l'avait soupçonné. Et vous croyez être déshonoré par le crime d'un autre? Vous ne vous jugez plus digne de lui parce que votre oncle... Oh, taisez-vous, monsieur, je vous en conjure. pauvre petite, je ne peux pas me taire. Grâce pour lui, pour moi. Ayez confiance en moi. Où est le troisième poignard? Dans la bibliothèque, sur le dernier rayon derrière les livres de Polynésie. Merci. Attendez-moi. Confiance. Sans frapper, Paul Bar entra dans la bibliothèque. Qui se permet? S'exclama Alexis Cardi. L'inspecteur, sans répondre, alla tout droit au dernier rayon. Il écarta les volumes et prit le dernier poignard. « Alexis Cardi, fit-il, voici le poignard-flèche de Paroroy. Avec une arme semblable, vous avez assassiné Jacques Ternier. Vous avez tiré à l'arbalète comme un gibier. Nul ne pouvait voir le coup arriver. Vous l'avez tué pour aller déterrer dans sa maison ensuite le trésor du messire de Dampierre. Je suis l'inspecteur Paul Bar, au nom de la loi. » Alexis Cardi s'était emparé du poignard que l'inspecteur avait jeté devant lui sur la table. D'un seul geste, il s'en porta un coup au cœur et s'abattit foudroyé. Monsieur le juge, dit l'inspecteur Paul Bar quand il eut achevé de conter au magistrat, dans tous ses détails, l'affaire de l'assassinat de Jacques Ternier, le coupable s'est donné la mort. L'action publique est éteinte. Le juge ferma le dossier ouvert devant lui. Sur la couverture, il écrivit « Classé ». Quelques mois plus tard, Henri Brémond épousait Denise. L'oncle de la victime leur avait abandonné, comme cadeau de noces, le trésor du messire de Dampierre. Les jeunes époux ont trouvé l'oubli et le bonheur dans ce grand Paris, refuge de tant de douleurs et de tant de joies. Ainsi s'achève un crime impossible, une enquête de l'inspecteur Barre, par Michel Corrie.